La délégation gouvernementale du Congo, conduite par Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé publique et de la Population, a visité la maison natale du président Kim Il-sung à Mangyondé, l'Institut de la tumeur mammaire de la maternité de Pyongyang, centre de services médicaux modernes pour les femmes, le jardin d'enfants de Gyeongsang, l'hôpital Hongnyu pour enfants, etc.